بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ندخل في درس جديد والدرس الرابع تقييم درس بعنوان في الدكان. طيب الدكان دكان سي ماغازان بوتيك كما تقول معروف. قال الكلمات الجديدة الدكان دكان سي ماغازان بوتيك. القطن القطن سي القطن la matière, le coton. Plutôt la plante, mais bon, là, il vise la matière. Maqasu, ça c'est mesure, taille. Al-loun, couleur. Al-jam, c'est al-wan. Aswadu, c'est noir. Ils ont fait une erreur, ils ont écrit aswadun, avec une tanwin. Aswadu, c'est mamou min sarf. Il n'y a pas de tanwin. Aswad, c'est noir. Azraq, c'est bleu. Pareil, les métalloïdes, on n'aurait pas dû en mettre. Bunni, c'est marron. Bunniyun, c'est marron. Qa'ima, al-as'ar, c'est la liste des prix. As'ar, c'est le jam de sir, qui veut dire prix. Asa, ça c'est un verbe, jamid, qui a plusieurs sens. Et là, dans le sens, il se peut. C'est un peu plus large que ça, mais là, c'est ce qu'il veut parler. Ba'i'un, c'est le ism fa'il de ba'a yabi'u, c'est le vendeur. Boussa, c'est un pouce. Un pouce. Mais pas le pouce ton doigt, ça c'est l'ibham, ça s'appelle. Ça c'est une mesure, un pouce. Mais je pense pas que c'est l'arabe. Comme on dit, mètre, senti, boussa, c'est une mesure également. Toi, il y avait le hiwa. On a trois. طيب سأقرا مصطفى والباء حسن انا سأقرا البائية وانت مصطفى وحسن تمام تفضل اقرب حتى نسمع صوتك مصطفى تفضل هيا ندخل هذا المحل ندخل مجزوم سكون هيا ندخل هذا المحل يا حسن إنني أرى فيه أنواعا من الملابس المختلفة نعم يدي علي rentre dans ce محل أو حسن car j'y vois différentes sortes de vêtements هكذا أقرأ حسن كذلك نعم أنت حسن كذلك عسى أن نجد فيه ما نحتاج إليه. ما نحتاج. ما نحتاج. ما نحتاج إليه. نعم. Il se peut qu'on y trouve ce dont nous avons besoin. عسى, c'est ça que ça veut dire. À ce moment-là. Il y a d'autres معاني, mais là, c'est ça qu'il veut dire. مساء الخير. C'est une salutation. On veut dire salam alaikum. Ah. Tu vois, il dit مساء الخير. Comme il dit صباح الخير. Ah. Bonjour, bon matin. Bon après-midi. بياكل مرحبا تفضل ماذا تريدان؟ Donc il dit bienvenue. Tafaddala, c'est une forme de politesse pour te dire donne-toi la peine ou rien d'alika. Qu'est-ce que vous voulez, c'est-à-dire tous les deux? Uridu sarawil. Sarawil. On dit pantalon, mais nous on dit que pantalon, on passe. Sarawil, aywa. Min as-sufi wa qamisan min al-qutni. Ya'da malabis ash-shita'i. Malabis ash-shita'i. Donc il dit je veux un sarawil en laine. Une souf, c'est en laine. Souf, c'est la laine. Et un kamis en coton. Et certains malabis, des vêtements divers. Mal maqasu allazi yunasibuk. Wa mal loun allazi tufaddiluhu. Donc il dit quelle est la taille qui te convient et quelle est la couleur que tu préfères. Maqasu sarawil 32. وثلاثون اثنين وثلاثون بوسطا ومقاس القميص اثنين و... لا لا اثنى عشر اثنى عشر اثنى عشر بوسا فأفضل سراولا لونه التنوين سراول سراولا سراولا سراولا لونه أسود وقميصا لونه أزرق أو بني. Donc il dit, la taille du Sarawil c'est 32 pouces ou 36 pouces. Et la taille du Kamis c'est 12 pouces. Et je préfère un Sarawil de couleur noire et un Kamis de couleur bleu ou marron. Wa anta hal turidu shay'an? Et toi tu veux quelque chose? Naam, uridu sarawila wa qamisan min an-naw' واللون الذي طلبه حسن. Ok, dit oui, je veux un sarawil et un kamis de la même sorte et couleur que celui que Hassan a demandé. Al-Bayya akul. Tafaddala. Hadihi hiya al-malabis wa hadhihi qaymatu al-as'ab. Donc, voici les vêtements. Tafaddala, voici les vêtements. Et voici la liste des prix. Al-as'aru ghaliyatun jiddan. Les prix sont très élevé, très cher. قال لا الأسعار غالية هذه الأيام ولقد بعتكما بعتكما بسعر رخيص ومرحبا بكما في محلنا مرة أخرى. Il dit non, les prix sont chers ces jours-ci seulement. Je vous ai vendu à tous les deux avec un prix peu onéreux, prix réduit, on va dire. Bienvenue à vous dans notre boutique une autre fois. التدريب الأول سلسلة سرعة فور أميزون كان اليو والتكست. طيب كمين اكزرسيس أجيب عن أسئلة التالية ريبون كاسون سويفونت. ما زار مصطفى في الدكان؟ كاسك مصطفى في الدكان. كيف كانت إجابة حسن؟ كي فو ريبونس دو حسن. كيف استقبلهما التاجر؟ كومون سكو لو كوميرسون ليزا روسو. ماذا يريد حسن شراءه؟ كاسك حسن فو أشتي. ما مقاس كل من السراويل والقميص؟ Quelle est la taille de chacun du يعني du قميص et du سراويل؟ ما اللون الذي يفضل حسن للسراويل والقميص؟ Quelle est la couleur que Hassan préfère pour le سراويل et le قميص؟ ماذا قال البائع لحسن؟ Qu'est-ce que le vendeur a dit à Hassan؟ هل يريد مصطفى شيئا؟ Est-ce que Mustafa veut quelque chose؟ كيف كانت الأسعار؟ Comment étaient les prix؟ كيف باعهما التاجر؟ Comment est-ce que le commerçant leur a vendu؟ هذه الأسئلة والأجوبة موجودة في النص. قال التدريب الثاني أكمل كما في النموذج. النموذج entre parenthèses دخل المحل. Là il faut que tu dises حيا. طيب حيا. Et après, tu vas avec la phrase. Haya natroul hadha al-mahal ya Hussein. Donc attention, haya, le verbe qui vient derrière, tu vas mettre une soukoune. Il va être majzoum, bit talab. C'est un amr, ça? C'est parce que c'est fi'al amr ou c'est un amr? Haya, c'est ism fi'al, c'est un mot, verbe, un non-verbe, qui a un sens d'ordre. C'est pour ça qu'il y a soukoune dans le musulman. On a la rakiba al-hafila. هيا نركب الحافلة. نركب. أيوه نركب. هيا نركب هذا الحافلة يا حسن. هذه. يا حسين. هذه. الحافلة. هذه الحافلة. dans le sens aller ou monte dans le dans ce bus là. سأل البائع. هيا نسأل هذا البائع يا حسين. نعم علي on interroge ce vendeur ou Hussein. أكل الطعام. هيا نأكل هذا الطعام يا حسين. علي مانشي سيت نوريتور حسين. دفع الثمن. payer le prix. هيا ندفع. ندفع. ندفع. ندفع. هيا ندفع هذا الثمن يا حسين. علي on paye ce prix au Hussein. ركب السيارة. مكتمل وتشو. هيا نركب هذه السيارة يا حسين. نعم على من نصيب وطيو حسين. شاهد التلفاز. أي مي كسر. هذا كسر. هي نكسر. نكسر. نكسر. هي نكسر هذه التلفاز. هذا. هذا التلفاز. زع. يا حسين علي وكسر التلي يا حسين. أيوة بسم الله. بس التكسير. إلو تنكر. كسر يكسره. Oui, il y a que Soro aussi, je crois. Ah, parce qu'en fait, là, dans les, des fois, dans les, en parenthèse, il y a marqué, par exemple, il y a Rakib. En fait, c'est l'arkab. Rakiba, ça c'est le mardi. Il devient un... Et dans le Moudalir, il apprend une fatha. طيب الثالث أكمل كما في النموذج النموذج المحل مرحبا بكم في محلنا مرة أخرى. Donc là tu fais pareil le mot entre parenthèses juste avant tu dis une phrase tu dis مرحبا بكم في كذا وكذا مرة أخرى. Donc en premier on a مدينة. مرحبا بكم في مدينتنا مرة أخرى. Bienvenue à vous dans notre ville une autre fois. بيت. مرحبا بكم في بيتنا مرة أخرى. Dans notre maison une autre fois. مكتب. مرحبا بكم في مكتبنا في مكتبنا مرة أخرى. لا سي مخصص دو بيرو مكتب. طائرة. مرحبا بكم في طائرتنا مرة أخرى. نوتخ افيون نوتخ فوا سي بو لي كومباني ايريان كي فيل بولي. مطعم. مرحبا بكم في في مطعمنا مرة أخرى. نوتخ غاستورون نوتخ فوا. فندق. مرحبا بكم في فندقنا مرة أخرى. نعم أحسنت. رابع يقول أكمل كما في النموذج يقول سراويل أسود أفضل سراويل لونه أسود. Donc entre parenthèses on a deux mots, une couleur et une chose. Après tu dois dire أفضل après le mot entre parenthèses لونه et la couleur entre parenthèses. Je préfère telle chose dont la couleur est telle. قميص أصفر. أفضل قميصا لونه أصفر. Je préfère un قميص dont la couleur est le jaune. إذا أسود. Du coup, je sais pas si c'est du coup مؤنث ou ذكر. Je sais pas si c'est مؤنث ou. Là, ça change rien. Ah, tu veux dire le lounou ou le lounou. Reste. Ça, je ne peux pas regarder. À la base. Ce qui finit en Hamza, c'est Mouannas, les Ma'alem. Afin, ce qui finit en Alif Layem, c'est Mouannas. Mais le Moudakar. Ufaddilu Hidaan Launaha Launuhu. Launuhu. Launuhu Aswad. On fait des chaussures dont la couleur est le noir. Sayyara Azraq. Ufaddilu Sayyaratan Launuha Azraq. Enfin, une voiture dont la couleur est le bleu. منزل أخضر. أفضل منزلا لونه أخضر. Préfère une maison. Toi qui dirais une maison dont la couleur est le vert. كرسي أحمر. أفضل كرسي. لا. كرسيا. أفضل كرسيا لونه أحمر. C'est pas لونه, c'est لونه. Ah oui, لونه. نعم. لونه. ساعة. ساعة. أفضل ساعة. لونها أبيض. لونها أبيض. نعم. préférément de la couleur le blanc. طيب après il dit تدريب الخامس اكتب خمسة جمل مبدوءة بعصا أن كما في النموذج النموذج عصا أن نجد عصاي نجيدة في الفندق غرفة خالية. Après, vous écrivez cinq phrases, commence par عصاي أن. Il se peut qu'on. Voilà. Et après, qu'est-ce que tu veux? Là, par exemple, l'exemple, c'est il se peut qu'on trouve dans l'hôtel une chambre libre. خالية, là, c'est libre. Après, trouver cinq phrases avec عصاي أن. Après, derrière, tu mets ce que tu veux. N'oublie pas que le verbe بعد أن ou une fatha. Si jamais il est pas accroché au. واو جماعة يا مخاطبة عليه في الاثنين. خمس فاز. السادس يقول املأ الفراغات في الجمل الآتية باختيار الكلمات المناسبة. لا تشوفوا في الترو avec les mots qui correspondent. هذا سيكون في البيت كذلك. طيب أنا القطن اللون معقاس هذا الجمد معقاس للمزجر أسعار عسى يحتاج شيئا بوسا انتو سيمو لذكره ديبو باع باع نعم كيلو فيها باع يبيعه جمل أولى سافر حسنون إلى المدينة أن يجد عملا que حسن est parti à voyager à la Médina qui trouve du travail. سابعا يزرع الفلاح que le paysan ou l'agriculteur cultive. On va trouver le mot qui va. Après la phrase commence par un mot absent. التفلو اللبن أكثر من الشاب. L'enfant, le petit enfant, le lait plus que le jeune. إن الحضروات غالية اليوم. Certes, les légumes sont chers aujourd'hui. لا أحب أن أنظر إلى الأسود. Je n'aime pas regarder. يعني noir. سادسا le mot vide, يعني le fera. التاجر كل ما معه عفوا طيب. التاجر كل ما معه من الأحذية. Donc le mot qui manque, après le commerçant, tout ce qu'il a avec lui comme chaussures. سابعا أجاب صديقي بأنه لا يريد Mon ami a répondu qu'il ne voulait faminan. Elle a dit les sept wahida. Des chaussures ne sont pas qu'une seule. Tasihan, maqasu al-sarawil sittu wa salathun. La mesure, la taille du sarawil est de 66. Toi tu mets ce qu'il y a là. يقول استعمل كل كلمات من الكلمات التالية في جملة مفيدة. Utilise le mot suivant pour des phrases mufida. On a rakhis, pas cher. طلب المقاس, la mesure. نوع, une sorte. طلب, le désiré, le vouloir. الأسعار, c'est les prix. بنيون, marron. القطن, le coton. البائع, le vendeur. بوسا, le pouce. Et on va finir par le ta'asir. Pour les autres, on ne les fera pas. Kazalik, le bait, antajid, el asilel, jabat, et ta'aliyat. Tu trouves la question, réponse suivante. Awlen, maqasu kamisi, khams, asharata bousa. La taille de mon kamis, c'est de 15 pouces. Thanien, qara'a Hassanun wa Mustafa qa'imat al-ashar. Que Hassan et Mustafa ont lu la liste des prix. Thalifan, ba'ahuma. Que le vendeur l'aura vendu à prix pas cher. La lam yurjib alone hasanan. Que la couleur, non, la couleur n'a pas plu à Hassan. Khamisan, shakarahuma al-bayah. Que le vendeur les a remerciés. Sadisan, hadi qaimatu al-as'ar. Voici la liste des prix. Walbaki, la nafa. Le reste, on ne fait pas. Ça, on fait pas. Là, voilà, tu as fait bien là, tu as d'autres choses à faire.